Lex Diamond, nigga. Wind up, nigga. It's my nigga, you heard? Yeah, raw, hey, nah. Know what I mean? Write a letter. Queens French style, nigga. Stomp down, Sam. What you wanna do, Chalet? Beef shit. Yeah, so real. Dum dum. Gangster gorilla shit. The Queens French connection, nigga. Handgun holders. So gangster. Powerful slingers. You playing with motherfucking fire right here. Allez, allez, why not? Laisse tomber cette merde, you know, cette merde de gangster. Allez, crache au feu. Why not? Get Eric Moore. Dégaine mon arme. Tiens mon fusil. Tire avec mon fusil. Les négros de la rive chutent sans OP. Pour les homos rappeurs qui se croient huppés, arrêtez de nous imiter, débarquez de notre pénis. Aucun problème, dans la rue ma pute chargée à bloc se prostitue pour moi. T'entends Booba, dans la rue ou dans l'industrie, le roi Enoch est poids lourd. T'entends Booba, tu es dans la même catégorie que de la Oya. Je te donne au moins cela, mais d'imiter les négros du Queens, camouflés sur divers et un accent arabe n'est pas suffisant. Tes clients sont insatisfaits, ils veulent des vrais. Mais t'inquiète, ton rêve s'est réalisé. Le roi Enoch, le rap français officiel du Queens, exécuté par des négros de la rive sud. Des super-hommes qui s'expriment en plusieurs langues et qui profitent de la drogue. Importe et exporte hydroponique et des tonnes de briques du Québec à Paname. Booba, bel emballage, sans le contenu. Rien à cirer, tu sois sur l'étiquette de AZ ou avec qui t'as déjà collaboré. Rien à respecter que tu aies laissé tomber Ali et le 45 scientifique pendant qu'ils aident la cause en Palestine. Et que les vrais négros font les vraies choses juste au Québec. Au concert de Mobb Deep, suspect sur leur pénis, ayant la force de rencontrer avec, avec ta chaîne et ton médaillon bien camouflé à l'intérieur de ton t-shirt, caché des regards des gangsters, tatoué comme un tueur. Faux voyou, on t'a à l'œil, performant sur scène pour des blancs de moins de 18 ans, des respectants dans un siècle. Pendant que ma popularité grandit dans le 92i, dégaine mon arme, tiens mon fusil, tire avec mon fusil. Les négros de la rive chutent sans OP. Pour les homo rappeurs qui se croient huppés, arrêtez de nous imiter, débarquez de notre pénis. Everything you heard, we live. Drugs, guns, murder your wig, or fly right off in your crib. It's all true talking. Kill niggas like you walking. Put your hand on the stack, I saw shit. Chop arms off the snakes, leave them dead on fire escapes. You try to wild out. Frying apes, spoiling niggas in piss, making niggas sniff rat dust. All this is based on bricks. Yeah, true scenario, bury niggas on Ontario. Black shit, cruise through nothing but strap shit. Monster rap, gangsta bones in the four building, fantastic walking tone. This is Lex the check, right on shit on sets, Mets hat. Don't come sideways with pets. Yo, animal thug murderers, big ratchets, casket, gold drinks, 21 carats of Paris. Heat pop, check the raw section of the street. This is Chef One Raw, ain't I? What up, what? And yo, let me tell y'all something. Playing with motherfucking fire right here. Lex Diamond, nigga. Raw, ain't I? What? We run the streets, nigga. Don't get it twisted. This is motherfucking old school, new school dough right here. Playing with. Don't fuck around and get your head popped off. You know what I'm saying? Don't. Recognize real hip hop. Be yourself, nigga. You know what I mean? Don't ride none of that other bullshit, nigga. Stay true to your shit. Dégaine mon arme, tiens mon fusil. Tire avec mon fusil. Les négros de la rive chutent sans OP. Pour les homo rappeurs qui se croient huppés, arrêtez de nous imiter, débarquez de notre pénis. Non mais, Lex Diamond, represent Rive Sud. Vois-tu ce qui se putain de passe, négro? Major shit. Why not? C'est my nigga, you heard? Y'a Rake Mond. Major shit. Lex Diamond, t'entends? Ça se passe, mon Queens de petit pute style, nigga. Rive Sud. What you wanna do, Chalet? Chaque jour à Montréal, y'a un négro qui se fait descendre, tu vois ce que je veux dire? So gangster right here. R.E.P. O.D.B. Word up. R.E.P. Bam Gang. One, we gone. Allez.